qu'une autre bienséance à observer, c'est de bien aiguiser son couteau avant de coucher donc sa bête. Et ça, il faut bien l'aiguiser, ça c'est une première chose. Et aussi, il faut le faire avant donc de coucher sa bête. Il ne faut pas coucher la bête et aiguiser son couteau devant elle. Donc le fait d'aiguiser le couteau devant la bête est quelque chose de répréhensible et il faut absolument pas le faire. Et ceci a été fait en présence du prophète alayhi salatu wassalam et il l'a réprimandé. Dans le hadith suivant, An ibn Abbas radiyallahu anhuma marra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala rajulin wadi an rijlahu ala safhati shaytin wa huwa yuhiddu shafaratahu talhadu ilayhi bibasariha faqala afala qabla hadha aturidu an tumitaha mawtatayn. Et ce hadith il est dans silsilat al-hadith sahiha volume 1 numéro 32. Et donc Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un homme qui avait son pied donc sur la joue, sur le côté de la tête d'un agneau, et il était en train d'aiguiser son couteau. Et la bête donc regardait cette personne-là avec ses yeux. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afala qabla hada, pourquoi n'as pas-tu fait cela avant ce moment, c'est-à-dire de... avant d'avoir couché ta bête. Est-ce que tu veux la tuer deux fois? Pourquoi est-ce que tu n'as pas aiguisé ton couteau avant de l'avoir couché? Ahmed, l'imam Ahmed a dit, Ma ubhimat alayhi al-baha'im, falam tubham annaha ta'arifu rabbaha, wa ta'arifu annaha tamut. L'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, a dit, certes, les bêtes, elles ont été rendues ignorantes de certaines choses. Il y a des choses qui ont été cachées aux bêtes. Mais il ne leur a pas été caché, donc elles connaissent leur Seigneur et qu'aussi elles savent qu'elles vont mourir. Un autre point qui est important, an yasuqaha ila al-mawt sawqan jamila, c'est qu'ils la prennent donc jusqu'à l'endroit où il va l'égorger d'une bonne manière, hein, avec tranquillité. Fa'an Muhammad ibn Sirin anna Umar radiyallahu anhu ra'a rajulan yajurru shatan liyadhbahaha fadarabahu bid-durra wa qala suqha la umma lak. Donc Mohamed ibn Sirin dit que Omar radiallahu anhu a vu un homme donc qui traînait son mouton afin de l'égorger. Comme font certains, il le prend par une patte et il le traîne par terre comme ça. Comme un sac. Donc Omar avait un bâton et il l'a tapé. Et il lui a dit, guide-la. Donc tu n'as pas de mère. C'est une expression que les Arabes disaient donc, pour réprimander. Guide-la, tu n'as pas de mère, jusqu'à la mort, hein, d'une meilleure manière, d'une belle manière. Et l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, a dit, Tuqadu ila dhabhi, qudan raqiqan. L'imam Ahmed a dit, on doit la guider, c'est-à-dire la prendre, la déplacer jusqu'à l'égorgement, hein, d'une manière qui est subtile. Donc il ne faut pas la prendre et la tirer, lui faire mal, et la tête se tapote contre le sol, hein, comme si elle n'avait... aucune valeur, non, ça c'est une offrande que l'on va faire à Allah subhanahu wa ta'ala et avant tout aussi c'est une bête. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné donc de faire preuve de ihsan, d'excellence et de bien envers cette bête-là et de ne pas la faire souffrir inutilement. Une autre sunnah lors de l'égorgement, c'est de la mettre en direction de la qibla. La mettre en direction de la qibla. Et ceci est tiré du hadith suivant. An Jabirin ibn Abdillah radiyallahu anhu qal ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح رواه أبو داود والحديث صحيح. جابر رضي الله عنه dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé le jour donc d'Al-Eid deux béliers cornus amlah, donc ils sont blancs avec du noir, maujouain castré, et lorsqu'il les a orientés vers la qibla, il a dit, j'ai orienté mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, selon la milla d'Ibrahim, selon la religion d'Ibrahim, hanifan, wama ana min al-mushrikin. Le hanif, c'est celui qui se détourne du shirk en visant le tawhid et en étant constant sur ce dernier. Wama ana min al-mushrikin, et je ne fais pas partie des associateurs. Inna salati, ma prière, wa nusuki, et mon égorgement, wa mahyay, et ma vie, wa mamati, et ma mort, lillah, sont pour Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur des univers, la sharika lah, il n'a pas d'associé. Wa bidhalika umirt, et par cela, j'ai été ordonné. Wa ana min al muslimin, et je fais partie des musulmans. Allahumma minka walak, ô Allah, ceci provient de toi et est pour toi. An Muhammadin wa ummatihi. Donc c'est pour Muhammad, de la part de Muhammad, wa ummatihi et sa communauté. Bismillah, au nom d'Allah, wallahu akbar. Allah est le plus grand. Thumma dhabah, puis il égorgea. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Elle a aussi été rapportée dans le Muwatta de l'imam Malik ibn Omar radiallahu anhuma, donc orienter ses bêtes vers la Qibla lorsqu'il voulait les égorger. Ceci a été rapporté par Nafi', donc qui est le cheikh, un des chouyurs de l'imam Malik, et qui rapporte ça d'Ibn Omar. Il faut savoir que Nafi' était un serviteur d'Ibn Omar radiallahu anhuma. Et aussi il a été rapporté donc par Abdul Razzaq avec une chaîne de transmission authentique que Ibn Omar radiallahu anhuma détester, manger donc une viande d'une bête qui avait été égorgée dans une autre direction que la Qibla. Mais ceci ne rend pas haram la bête, mais il est mustahab, recommandé d'orienter sa bête vers la Qibla lorsqu'on veut l'égorger. Donc il est aussi recommandé de la coucher, sur le côté gauche, et non pas le côté droit comme pensent certains, parce que la charia souvent donne la priorité et l'honneur à la droite sur la gauche. Mais là, il y a des raisons pour lesquelles on va mettre la bête sur le côté gauche. Donc la bête, on va la mettre sur le côté gauche, orientée vers la Qibla. Donc son ventre, la partie interne de la bête, est en direction de la Qibla. Donc il faut la coucher sur le côté gauche, et l'égorgeur met son pied droit, sur donc la joue, donc sur la joue de la bête. Et il prend la tête donc de la bête avec sa main gauche. Donc la bête est couchée sur son côté gauche. Donc ce qui veut dire que la tête de la bête est sur... Quand la bête est devant moi, la tête est à gauche et les pattes donc sont en direction de la Qibla et non pas vers moi. Donc les pattes sont en direction de la Qibla. Et la tête est sur la gauche. Et la queue est sur la droite. Je mets mon pied droit sur la tête de la bête, donc, c'est-à-dire sur sa joue pour pouvoir la tenir. Et le prophète alayhi salatu wasalam faisait cela, donc c'est-à-dire sur sa joue droite. Et avec ma main gauche, je tiens la tête de la bête et je vais égorger avec la main droite. L'égorgement va se faire avec la main droite, afin que la bête donc ne se débatte pas et puisse être en bonne position, inshallah, pour qu'on l'égorge. An Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yudahi bi kabshayn aqranayn wa wada'a rijlahu ala safhatihima wa yadhbahuhuma bi yadihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc Anas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam égorgeait deux béliers cornus, qu'il mettait son pied donc sur leurs joues et qu'il les égorgeait avec sa main. Et l'imam al-Bukhari a mis dans son sahih, dans son recueil authentique, Bab wad'i al-qadami ala safhi al-dhabiha, porte, chapitre sur le fait de mettre le pied sur la joue de la bête à égorger. Al-Hafidh ibn Hajar, rahmatullah alayh, a dit dans le fath, ittafaqu ala anna idja'iha yakunu ala al-janib al-aysar. Et ils sont en accord, donc les savants, sur le fait que coucher la bête se fait sur le côté gauche. D'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit dans son recueil de fatawa, dans le volume 23, page 162, وَمَنْ أَضْجَعَهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَجَعَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَ عَلَى عُنُقِهَا تَكَلَّفَ مُخَالَفَةَ هَدْيِهِ لِيَذْبَحَهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مُعَذِّبٌ لِنَفْسِهِ وَلِلْحَيَوَانِ وَلَكِنْ يَحِلُّ أَكْلُهَا. Il a dit, et celui qui la couche sur le côté droit et qui a mis son pied gauche donc sur sa joue, cette personne-là, donc il s'est astreint à faire le contraire de la sunna afin d'égorger sa bête. Donc cette personne-là est un ignorant de la sunna. Et c'est quelqu'un qui a fait du mal à lui-même, parce que c'est dur d'égorger comme cela, et aussi il a fait du mal à la bête. Mais il est permis de manger de cette viande-là. Il dit ensuite, فَإِنَّ الْإِجَاعَ ala shiq al aysar, le fait de coucher la bête sur le côté gauche. Arwahu lil hayawan, c'est quelque chose qui est plus tranquillisant pour la bête. Wa aysaru fi izhaqin nafs, et c'est plus facilitateur pour faire sortir l'âme de la bête. Wa a'wanu lil dhabh, et c'est aussi quelque chose qui facilite l'égorgement. Wa huwa sunnah, et c'est la sunnah allati fa'alaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa alayha amalul muslimin, et les musulmans ont toujours pratiqué cela. Wa amalul umami kullihim, et toutes les communautés égorgées de cette manière-là. Et le mieux, c'est que les pieds soient détachés. Il faut que les quatre pattes soient détachées. Et ceci pour deux raisons. Première chose, parce que ça tranquillise la bête. Le fait qu'elle soit détachée et qu'elle n'ait pas les pieds attachés. Et la deuxième raison, c'est que c'est mieux pour que le sang sorte du corps. Donc le corps sera plus rapidement vidé et mieux vidé du sang lorsque les pattes seront détachées. Et ce sont deux raisons qu'a donné Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi dans son Sharh Al-Mumti'. Et quant au chameau, la sunna, donc c'est de l'égorger alors qu'elle est debout. An Jabir radiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu kanu yanharun al-badanata ma'qulat al-yusra qa'imatan ala ma baqiya min qawa'imha, rawahu Abu Daoud wa sahahahu Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. Jabir radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons égorgeaient la chamelle alors qu'elle avait la patte gauche attachée. Donc la patte gauche était attachée au reste afin qu'elle puisse chuter. Qa'ima ala ma baqiya min qawa'imha. Les trois autres pattes n'étaient pas attachées. Et elle était égorgée donc en position debout. Mais pas égorgée donc d'un côté à l'autre comme on le fait pour le reste des bêtes. Mais un nahr, c'est le fait de planter le couteau au niveau donc de la gorge. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافِ » et évoquer le nom d'Allah sur la bête « صَوَاف » et Ibn Abbas a dit que « صَوَاف » ça veut dire « قِيَامًا » en position debout. « وَعَنْ زِيَادِ ibn جُبَيْرِ قَالْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَعَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا فَقَالْ إِبْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمُ. زِيَادِ ibn جُبَيْرِ rahimahullah dit, j'ai vu Ibn Omar radiyallahu anhuma passer devant un homme donc qui avait mis en position assise sa chamelle afin de l'égorger. Et qu'est-ce qu'a dit Ibn Omar? Il a dit, laisse-la debout, attachée, c'est la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce récit-là est dans Al-Bukhari wa Muslim. Une autre sunna, même une obligation qui est importante, c'est ce qu'on appelle Al-Ijhaz, c'est-à-dire le fait d'égorger avec rapidité, de manière concise. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبح أحدكم فليجهز. ابن عمر رضي الله عنهما dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque l'un d'entre vous égorge, donc qu'il le fasse de manière concise, rapide. Le hadith est dans Sahiha numéro 313. أجهز أسرع وأثبت ذبح البهيمة. Donc الإجهاز, c'est le fait d'être ferme et rapide dans l'égorgement. ما يقول عند ذبح الأضحية. Qu'est-ce que l'on doit dire lorsqu'on égorge donc notre bête? An Anas radiyallahu anhu qal dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bikabshayn amlahayn aqranayn dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié deux béliers amlah, on a expliqué, aqran cornu, dhabahahuma biyadihi, les a égorgés avec sa main. Wasamma, donc il a dit bismillah, wa kabbar, il a dit Allahu akbar, et il a mis son pied donc sur leur joue, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc il y a dans ce hadith une preuve donc l'égorgeur doit dire bismillah et Allahu akbar. Wa an Jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala Allahumma minka wa ilayk. Selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma minka wa ilayk, ô Allah, cela provient de toi, wa ilayk, et c'est pour toi. Et nous l'avions cité précédemment. Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh a dit que minka, donc de toi, Allahumma, oh Allah, minka, donc de toi, c'est-à-dire ata'an wa rizqa, en tant que don et subsistance. Donc cette bête-là provient de toi en tant que don et subsistance. Wa ilayk ta'abboudan wa shar'an wa ikhlasa. Wa ilayk, et ceci est à toi, ta'abboudan, en termes d'adoration, wa shar'an, et en termes, donc législatif, wa ikhlasan, et par sincérité. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل من محمد رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit oh Allah accepte de Muhammad, rapporté par Muslim. Donc celui qui sacrifie, il est légiféré pour lui de dire Allahumma taqabbal minni, oh Allah accepte de moi. Allahumma taqabbal minni. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال et selon جابر رضي الله عنه le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, et nous avions dit donc cette évocation, nous ne la traduisons pas à nouveau, elle a été dite il y a un petit moment. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard ala millati ibrahima hanifa wa ma ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirt wa ana min al-muslimin. Donc certaines remarques. Yajuzu liktifa'u bil basmala. Il est permis donc de s'en tenir à dire bismillah. Et si jamais on ajoute en plus ce que l'on avait dit, comme Allahumma minka wa ilayk, Allahumma taqabbal minni, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard, etc., c'est mieux. Et ceci fait partie de la sunnah. Et la personne a une récompense par rapport à ces différentes évocations. Mais dire bismillah est le minimum qui est demandé. Quant au fait de dire bismillah, c'est une obligation. C'est une obligation. La preuve de cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et ne mangez pas de ce sur quoi on n'a pas évoqué le nom d'Allah. Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 121. Deuxièmement, deuxième preuve prouvant l'obligation de dire bismillah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, مَا أَنْهَرَ الدَّمْ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا. Donc ce qui a fait couler le sang, donc lorsque le sang a coulé et que le nom d'Allah a été évoqué, mangez. Ce qui sous-entend, ne mangez pas si le sang n'a pas coulé et que le nom d'Allah n'a pas été évoqué. Donc si on a fait couler le sang sans dire bismillah, on ne peut pas manger. Et si on a dit bismillah sans faire couler le sang, donc on a mis par exemple, on a étouffé la bête ou autre, de même on ne peut pas manger cette bête-là. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans sa risala, il dit وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ تَسْمِيَةِ لَمْ تُؤْكَلْ. Et si jamais il délaisse la tesmiya, donc le fait de dire bismillah sur l'égorgement, de manière volontaire, لَمْ تُؤْكَلْ. Elle est haram cette bête-là. Et quant au fait donc d'oublier bismillah, il y a une grosse divergence sur la personne qui a oublié. Wallahu a'lam, ce qui est connu dans le madhhab, du moins malikite, c'est que dire bismillah est une obligation, mais si jamais on l'a oublié, wallahu a'lam, la bête est halal. Et c'est l'avis de beaucoup de savants, notamment Ibn Taymiyyah dans le Fatawa, dans son volume 35, page 239 à 241, il évoque cela. Et dans le Sharh al-Mumti', Ibn Kathir aussi, et d'autres savants. Donc, en cet avis-là, Allah alam, celui qui oublie de dire bismillah, sa bête, elle est halal. Mais s'il il ne dit pas bismillah de manière volontaire, sa bête, donc, est haram. Un autre point qui est important, c'est al-inaba fil udhiya. Le fait donc de léguer la responsabilité d'égorger à une personne. Donc ça c'est permis. Yajuz, wal afdalu an yudahi biyadi. Mais le mieux c'est que la personne égorge avec sa propre main. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala dahha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bikabshayn amlahayn fara'aytuhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahahuma biyadihi. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé deux béliers, Amlahayn, et je l'ai vu mettre son pied donc sur leur joue. Il disait Bismillah et Allahu Akbar et il les a égorgés avec sa main. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'expression avec sa main, rapportée par Al-Bukhari au Muslim. Donc la base, c'est d'égorger avec sa propre main. Et l'imam Al-Bukhari, il a donc mis une porte, un chapitre dans son sahih, Babu man dhabah al-adahi biyadih, la porte de celui qui égorge. Donc, les bêtes avec sa main. Donc, et ça, c'est une preuve que ce qui est recommandé le mieux, c'est d'égorger avec sa propre main, car c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est permis aussi, donc, de dire à une personne, d'égorger, donc, pour nous-mêmes et de léguer cette responsabilité. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها رواه مسلم. Selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé 63 chamelles, puis il a donné à Ali donc la responsabilité d'égorger ce qui en restait, rapporté par Muslim. وقال النووي في المجموع الإمام النووي أدي dans le مجموع أجمع على أنه يجوز أن يستنيب في أضحيته مسلما. Il a dit rahmatullah alayhi l'imam Nawawi et ils sont en accord donc les savants qu'il est permis donc de léguer la responsabilité d'égorger la bête à sacrifier mais il faut la léguer à un musulman. Et est-ce qu'il est permis donc de léguer cet égorgement à quelqu'un du livre? À quelqu'un du livre? Non. Hein, ce n'est pas permis. Même si leur égorgement à eux à la base donc est halal à la base, après aujourd'hui ça c'est un autre point notamment pour les chrétiens. واختلفوا في الكتاب et ils sont donc en divergence sur les gens du livre juifs et chrétiens. والصحيح المنع لانه ليس من اهل العباده فلا تصح منه القربه وان صحت منه نيه الاستنابه والاضحيه قربه. Donc en réalité il n'est pas permis à un juif ou un chrétien d'égorger pour nous donc notre udhiya car c'est quelqu'un qui ne va pas donc faire ça dans un sens adoratoire et ça c'est une adoration donc il faut que ce soit le musulman seulement qui égorge pour nous notre bête. Quant au fou, hein, le fou, il ne lui est pas permis lui d'égorger. Hein, même s'il dit bismillah, parce qu'il ne met pas en place une niya. Lui, il est exempt, il est déresponsabilisé. Donc le fou, il ne peut pas égorger de bête. Un point qui est important, c'est l'égorgement de la femme. Est-ce qu'il est permis à la femme d'égorger? Donc na'am, c'est permis. Bihawlillahi azza wa jal. Et on avait tout à l'heure donné le hadith donc, de la servante de Ka'b ibn Malik donc, qui faisait paître son troupeau et il y a donc un mouton qui a été atteint et elle a voulu le tuer avant qu'il ne meure. Alors elle a pris une pierre, l'a cassée et ensuite a égorgé ce mouton-là. Et lorsque le prophète alayhi salatu wasalam, a été questionné, il a dit « Kuluha, mangez-la » rapporté par Al-Bukhari. Ibn Hazm a rapporté dans Maratib al-Ijma' ولا أعلم خلافا في أكل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة. Il a dit je ne connais pas de divergence sur le fait qu'il est autorisé de manger ce qu'a égorgé la femme musulmane ayant sa raison et étant donc pubère. وقال النووي في المجموع الإمام النووي a dit dans le مجموع تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف لحديث كعب بن مالك. Il a dit l'égorgement de la femme est halal sans aucune divergence en raison du hadith de Ka'b ibn Malik, le précédent qu'on avait cité par rapport à l'histoire de la servante. Et la femme, elle peut égorger, donc qu'elle soit en menstrue ou pas. Le fait qu'elle soit en menstrue, ce n'est pas une raison qui lui interdit donc d'égorger une bête. Et la preuve, c'est que le prophète, alayhi salatu wasalam, lorsqu'il a été questionné donc sur l'égorgement d'une femme, il n'a pas demandé est-ce qu'elle était en menstrue ou pas. Non, il a dit tout de suite « Kuluha ». Et ça, c'est ce qu'on appelle, il y a une règle qui s'applique ici, « Tarku l'istifsal fi maqam l'ihtimal yunazzalu manzilat al-umumi fil maqal ». Le fait que le prophète, alayhi salatu wasalam, ait délaissé la demande de détail alors que ici la situation prête au doute, donc peut-être la femme est en état de menstruer ou pas, ceci revient donc à un ordre général du prophète, alayhi salatu wasalam. C'est-à-dire manger de cette bête-là que elle est égorgée par une femme en menstrue ou non. Il y a aussi d'autres conditions. Donc, pour l'égorgeur, il faut aussi qu'il soit mumayyiz, donc qu'il soit en âge de discernement. Et temyiz, c'est de manière générale, c'est à l'âge de 6 ans, 7 ans hein, que l'enfant discerne. Donc, un enfant hein, qui n'est pas en âge de temyiz, tifl, celui-là, il ne peut pas donc égorger. Et son égorgement n'est pas halal, et n'est pas un égorgement législatif, parce qu'il n'a pas de niya, il n'émet pas de niya, il ne met pas d'intention. Tout comme sa prière, ce n'est pas une prière en réalité qui est authentique, parce qu'il ne met pas d'intention. Les enfants qu'on amène parfois à la mosquée qui imitent hein, le papa qui est à côté d'eux, mais qui ne savent même pas ce qu'ils font. Lorsqu'on leur demande « qu'est-ce que tu as fait là ?» il ne peut pas dire qu'il a fait une salat, ou parfois il sait, mais il ne sait pas qu'il a fait le dhuhr ou bien le asr. Donc ce sont des enfants qui ne sont pas en âge de temyiz, de discernement, de différenciation. Donc eux ne mettent pas une intention lorsqu'ils égorgent, ce n'est pas donc pour faire un égorgement législatif. Et cette intention qu'on appelle qasdu tadhkiya est aussi une condition. Il faut que la personne, il faut qu'elle ait l'intention donc d'égorger un égorgement législatif. Si jamais la personne jette un couteau sur une bête en disant Bismillah, mais dans le sens de se défendre, simplement pour la tuer par exemple, et ce n'est pas dans le sens de l'égorger, ce n'est pas une viande qui est halal. Et encore moins une viande qui compte, enfin une bête, un sacrifice qui compte pour Eid al-Adha. Donc on arrive à un point qui est important, qu'est-ce que l'on doit au minimum donc trancher pour dire qu'il y a eu égorgement. Donc il faut obligatoirement trancher les deux veines qui sont au niveau de la gorge, hein, qui mènent au cœur. عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ما أفر الأوداج ما لم يكن قردناب أو حز ظفر. Donc Abi Umama al-Bahili dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ce qui a donc tranché al-awdaj, qui sont donc les deux veines qui se trouvent au niveau de la gorge, tant que ce n'est pas la coupure d'un croc ou bien donc d'un ongle, d'un sabot. Donc il est interdit d'utiliser un croc, aussi un os, ça a été rapporté dans d'autres hadiths, ou bien un ongle, un sabot, pour pouvoir trancher la bête. Donc al-awdaj, ce sont les veines qui se trouvent au niveau de la gorge. C'est le pluriel de wadaj. Wadaj. Et donc ce sont les deux veines qui sont en lien avec le cœur. Donc le minimum qui est demandé, ce sont ces deux veines-là. Après, concernant la trachée artère et l'œsophage, hein, il y a des divergences savantes, mais il n'y a pas de délil réel disant que c'est une condition pour que la bête soit halal. Après, ça reste des choses à trancher, mais de manière secondaire. Si jamais ce n'est pas tranché, la bête, bi'idhnillah azzawajal, est halal en raison du hadith ma anharaddam, ce qui a fait couler le sang. Donc une fois que le sang a coulé, et ceci n'est possible que si jamais il y a eu les deux veines qui ont été coupées, car ma anhara, on avait dit que c'est pris de nahar, du fleuve. Donc il faut que le sang coule abondamment. Il ne peut y avoir donc coulée abondante du sang que si jamais les deux veines ont été tranchées. Donc si les deux veines sont tranchées, alhamdoulilah, la condition est remplie. Donc certaines remarques, il n'est pas permis d'égorger au niveau de la nuque. Obligatoirement, il faut que ce soit au niveau de la gorge. Au niveau de la nuque, ça fait souffrir. Hein, ce n'est pas un endroit par lequel on peut égorger notre bête. Et donc bien sûr, la bête, obligatoirement, elle doit être égorgée. Al-Munkhaniqa, celle qui a été étouffée, celle qui a pris une balle dans la tête, celle qui a été électrocutée, celle qui a été étouffée, celle qui a été encornée par une autre bête, celle qui a été mangée donc par les fauves, même si elle a été ensuite égorgée alors qu'elle était morte, c'est une bête qui est haram. Mais si jamais elle a été égorgée alors qu'elle n'est pas encore morte, alhamdoulilah, il est permis donc de la manger, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab' illa ma dhakaytum. Donc après avoir cité ces catégories qui sont interdites à la nourriture, il a dit illa ma dhakaytum, sauf ce que vous avez égorgé. Bien sûr, si l'égorgement a eu lieu alors que la bête était encore en vie, mais si jamais elle est morte donc par les moyens qui ont été dits précédemment, elle a été étouffée, électrocutée, etc., encornée ou autre, et qu'elle est égorgée après sa mort, cet égorgement n'a aucun impact et il ne rend pas cette bête licite. Et comment est-ce que l'on reconnaît une bête qui est encore vivante? Il y a plusieurs signes. Le premier, c'est que le sang coule encore. Tant que le sang coule, cette bête est vivante. Aussi par le mouvement de l'œil, de même par le mouvement des pieds, ou bien de la queue, qu'elle est en train encore de respirer. Hein, tout ça sont des signes qui montrent que la bête est encore vivante. Et donc tout ce que l'on vient de dire, ça c'est concernant les bovins et les ovins. Quant au chameau, il subit donc le nahr, il n'est pas égorgé comme le reste des bêtes. Il est en position debout et avec donc une lance ou une lame très longue, on lui plante ça dans la gorge, en bas de la gorge, et on retire et le sang après descend et elle chute. Et ça c'est ce qu'on appelle le nahr. Donc on plante et ensuite on arrache. C'est comme ça qu'est exécuté le chameau et la chamelle et non pas par un égorgement classique, comme on le fait pour le mouton, la vache, le veau, etc. Un point, celui qui donc lègue à un boucher la responsabilité donc de lui égorger sa bête. Il ne doit rien lui donner hein, de cette bête-là, il ne lui donne pas de viande. Et aussi, il ne doit donc ce boucher-là, il ne doit en aucun cas vendre donc de la viande de cette personne qui lui a donné la responsabilité. عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة ثم قال وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا رواه البخاري ومسلم. علي رضي الله عنه dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a ordonné donc de m'occuper d'une chamelle. Il dit ensuite et il m'a ordonné de ne rien donner au boucher donc de cette chamelle là. Il a dit mais nous lui donnerons ensuite de notre part, apporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc on ne doit pas donner comme salaire au boucher de la bête elle-même. Il est permis de donner un salaire par rapport au travail qu'il a fait pour nous, mais lui donner de la viande de ce qu'il a égorgé pour nous, ça c'est interdit. Ça, ce n'est pas permis. Hein. Sauf un cas, c'est si jamais donc, ce boucher-là et quelqu'un de pauvre, et après avoir donné donc le salaire du travail qu'il a fait, donc une fois que je l'ai payé, je lui donne de ma bête, mais ici en tant que sadaqa, tout comme je l'aurais donné à quelqu'un d'autre, mais pas parce qu'il est le boucher qui donc, a égorgé cette bête-là, et pour donc lui donner son salaire, je lui donne une partie de ma bête. Il est interdit de donner de la bête au boucher en tant que salaire du travail qu'il a fait pour nous. Ça lui-même, Baraoui, il a dit dans Sharh al-Sunnah. « Amma idha u'tiya ujaratuhu » كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. Il dit mais si jamais il lui a donné son salaire donc complet puis qu'ensuite il lui donne en aumône une partie de la viande, une partie de sa bête parce que c'est un pauvre, tout comme il l'aurait fait avec d'autres pauvres, il n'y a pas de mal à cela. Un autre point qui est important, c'est le fait de vendre la peau de notre bête. Ceci est interdit. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit celui qui a vendu la peau donc de sa bête de sa أضحية, celui qui a vendu la peau de sa أضحية, il n'a pas d'أضحية. Donc il n'a pas de récompense. Et le hadith, il a été rapporté par Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. عن قتادة بن النعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم أخرجه أحمد وهو حسن. قتادة بن النعمان رضي الله عنه dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit ne vendez pas donc les viandes de vos bêtes sacrifiées mais mangez et donnez-en en aumône et profitez de leur peau, et ne vendez pas leur peau, rapporté par Ahmed, et le hadith est bon. Un point qui est important aussi, c'est le fait que le boucher, à qui donc on va léguer cette responsabilité de nous égorger notre bête, il faut que ce soit quelqu'un qui a de la science, et qui connaît donc les règles de l'égorgement. Car beaucoup aujourd'hui de bouchers sont des ignares, et ne savent pas ce qu'ils font. Donc ils égorgent n'importe comment, certains ne disent même pas Bismillah, ou certains disent une fois Bismillah pour 100 moutons, Donc la personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et faire de la meilleure manière le rôle donc, qu'il a reçu. Et lorsque le boucher est un ignorant, comme c'est le cas aujourd'hui majoritaire, il ne faut pas prendre le risque de mettre entre les mains d'une telle personne cette adoration qui est d'une telle importance, qui est l'égorgement d'une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un point important, donc, c'est le fait de manger ou bien de garder de cette viande-là ou bien de donner en aumône, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je donne tout en aumône, je mange tout, je garde tout dans le congélateur? Donc on voit des pratiques différentes. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mangez donc de votre bête sacrifiée ». Donc ça c'est un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de manger. Donc il n'y a pas de doute que manger de notre bête est quelque chose de légiféré. « Wa at'imu al-qani'a » والمعتر وأطعموا القانع القانع السائل c'est celui qui demande et le mu'tar الذي يطوف بك يطلب ما عندك سائلا كان أو ساكتا et le mu'tar c'est celui qui tourne autour de toi et qui veut donc quelque chose de ta part qu'il le dise par la bouche ou bien qu'il soit silencieux et d'autres ont dit القانع c'est celui qui demande et le mu'tar c'est celui qui ne demande pas qui reste silencieux والله أعلم. Ça a été rapporté par Ibn Abbas et Saïd ibn Jubayr. Rahmatullah alayhim wa radiyallahu anhuma. Et cet ordre donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, manger donc de ce que vous avez sacrifié, certains disent que c'est une obligation. Certains ont dit que c'est une obligation. Et il s'appuie aussi sur le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idha daha ahadukum falyakul min udhiyyatih » Lorsque l'un d'entre vous sacrifie, qu'il mange de sa bête sacrifiée. Silsilat al-hadith sahiha, volume 7, 1523, hadith 1523, de Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhi. Allah alim, le hadith est bon. Donc, des savants s'appuient donc sur l'ordre d'Allah azzawajal, fakoulou, mangez donc de cette bête-là, et sur aussi l'ordre du prophète alayhi salatu wasalam dans ce hadith, فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ qu'il mange de sa bête sacrifiée pour dire qu'il est obligatoire d'en manger ne serait-ce qu'un peu. Et la majorité disent que c'est recommandé. Ou bien que c'est permis tout simplement. Et il est aussi légiféré donc d'en donner une partie en aumône et d'en garder aussi une partie pour soi-même. عن سلمة بن الأكوع selon سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٍ Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, ça c'était dans les débuts, il avait dit, celui qui a sacrifié parmi vous, qu'au bout de trois jours, il n'y ait plus rien de sa bête sacrifiée à la maison. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا Et l'année suivante, ils ont dit, يَا رَسُولَ اللَّهِ, ô messager d'Allah, نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي Est-ce que l'on fait comme on a fait l'année dernière? قَالَ كُلُوا Il dit, mangez, وَأَطْعِمُوا Et nourrissez, donc les autres, وَادَّخِرُوا Et aussi, vous pouvez en garder en réserve. فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامِ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا Il a dit l'année dernière, donc certaines personnes avaient des difficultés, j'ai voulu que vous les aidiez, donc par vos aumônes, en donnant votre viande en aumône, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc il n'y a pas spécialement de partie à garder ou à donner en aumône, il n'y a rien de spécifique dans la sunna par rapport à cela, et il s'est répandu chez les gens beaucoup qu'il faut donner un tiers en aumône, garder un tiers, manger un tiers, et d'autres disent moitié-moitié, etc. Mais il n'y a pas de réelle preuve dans le Coran et la Sunna donc concernant cela. Le prophète alayhi salatu wasalam, a donné des ordres absolus, fakoulou, manger. Il n'a pas dit telle proportion ou telle proportion. Waddakhiru, et donc gardez-en en réserve. Watasaddaqu, et donnez-en en aumône, rapporté par Muslim. Il y a même dans une version qui est authentique, dans le Sahih al-Jami'. Au numéro 4585, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fakulu ma badalakum, mangez ce que bon vous semble, ce que vous en voulez. Wa at'imu wa dakhiru, et donnez à manger et gardez-en en réserve. Donc il n'y a pas de proportion spéciale bien prédéfinie qu'il faut respecter. Donc on termine par quelques hadiths qui sont faibles concernant donc les récompenses de la bête à sacrifier. Ce sont des hadiths qu'on entend souvent sur le minbar, ou bien des prêcheurs, lorsqu'on arrive bientôt à la saison du sacrifice, de l'Eid. Donc il faut, Inch'Allah, les savoir, pour justement éviter de les répéter et de les propager. Et il faut que le musulman fasse attention à ce qu'il dit. Et le séné de la chaîne de transmission, Alhamdoulilah, min mazaya hadhihi l'ummah, fait partie des privilèges de cette communauté. Et beaucoup de salafs disaient Le sened, la chaîne de transmission, est l'arme du croyant. Et comment on peut combattre celui qui n'a pas d'arme? Et disaient d'autres salaf, rahmatullah alayhim, là où le sened, la qala man sha'a ma sha'a. S'il n'y avait pas eu la chaîne de transmission, n'importe qui aurait dit n'importe quoi. Et nous différencions des juifs et des chrétiens par la chaîne de transmission. Aujourd'hui, les juifs et les chrétiens n'ont pas de chaîne de transmission. Les rabbins n'ont pas de chaîne de transmission jusqu'à la Torah et n'ont pas de chaîne de transmission jusqu'aux paroles de Moussa alayhi salam. De même, les curés, le pape lui-même n'a pas de chaîne de transmission entre lui et l'évangile qu'il prétend être la parole d'Allah et non plus entre lui-même et les récits de Isa alayhi salam. Alors que les savants musulmans ont mis en place des règles très précises concernant les hadiths. Donc on doit s'efforcer, Inch'Allah, de ne propager que ce qui est authentique. On a parmi ces hadiths-là « Khayrul udhiyati al-kabshul aqranu » C'est un hadith qui est connu, qui est très propagé et qui est un hadith da'if. Vous pouvez revenir vers Da'if al-Jami' au numéro 2881. Quelle est la traduction de ce hadith ?« Khayrul udhiyati al-kabshul aqran » La meilleure des bêtes à sacrifier, c'est le bélier cornu. C'est le bélier cornu. Et c'est vrai que le sens du hadith est véritable parce qu'on avait vu que c'est vraiment ce qui est de mieux à sacrifier, mais le hadith est faible. Un autre hadith, من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من نار. Celui donc qui sacrifie donc avec de bon gré en espérant donc la récompense pour sa bête sacrifiée, ce sera pour lui un voile contre l'enfer apporté par At-Tabarani. Et il y a dans la chaîne de transmission Abu Daoud al-Nakhai, et c'est un menteur. Il y a aussi un autre hadith, ma amil ibn adam fi hadha al-yawm afdala min dam yuhraq illa an takuna rahiman maqtu'atan tusal. Le fils d'Adam n'a jamais fait une action ce jour-là, donc le jour de l'égorgement, meilleur donc qu'un sang qui est écoulé, sauf un lien de parenté qui serait coupé et qu'il lirait à nouveau. Rapporté par At-Tabarani, et la chaîne de transmission est pleine de rapporteurs faibles. Ce sont tous des rapporteurs faibles. Il y a aussi ce hadith-là, « Ya ayyuhan nasu dahu, ô gens sacrifiés, wa ihtasibu bidima'iha, et espérez la récompense par le sang, fa inna dama wa in waqa'a fil ard, fa innahu yaqa'u fi hirzillahi azza wa jal. » Car le sang, même s'il atterrit par terre, il atterrit en réalité donc dans la protection d'Allah Azza wa Jalla. Le hadith, il est batil, il est mawdou' mensonger. Rapporté par At-Tabarani dans l'Awsat, et il y a dedans deux rapporteurs qui sont délaissés. Il y a aussi le hadith, Ya Rasulallah, ma hadhihi al-adahi, ô messager d'Allah, qu'est-ce que c'est que ces bêtes que l'on sacrifie? Qala sunnatu abikum Ibrahima, qalu fama lana fiha ya Rasulallah. قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة موضوع. Ô messager d'Allah, qu'est-ce que c'est que ces bêtes que l'on sacrifie? Il a dit, c'est la tradition de votre père Ibrahim. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a comme récompense, ô messager d'Allah? Il a dit, pour tout poil, vous avez une bonne action. Ils ont dit, et la laine, ô messager d'Allah? Il a dit, pour tout poil de laine, vous avez aussi une bonne action. Le hadith, il est mawdou, il a été rapporté par Ahmed, et il y a dedans Abu Daoud al-A'ma, et il est matrouk. Il y a aussi le hadith, « Ni'matul udhiyah » Quelle belle bête à sacrifier, quelle magnifique bête à sacrifier, « Al-Jadh » On avait vu ce que c'était tout à l'heure, donc c'est 6 mois, Allah a'lam. « Min ad-da'n » Donc comme mouton, apporté par Ahmed. Et il y a dedans des rapporteurs faibles. Donc voilà, il y a d'autres hadiths, Allah a'lam. Donc il faut prendre soin, bi'idhnillah azzawajal, de ne rapporter que ce qui est authentique. On termine, inshallah, ce dars espérant, bi'hawlillahi azzawajal, on ait abordé la plupart des points. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous, inshallah, nos sacrifices que nous ferons pour lui, qu'ils soient faits seulement et uniquement pour lui, subhanahu wa ta'ala, et conformément à la législation qu'il nous a imposé à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa'ilana al-mawla an yataqabbala minna wa minkum. Sa'ala Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ibadihi al-muttaqin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.